Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné avec vous pour l'édition de cette semaine de ce beau programme. Pour m'accompagner, le renifleur, Daniel Carosella. Salut Daniel. Oui, je m'excuse, mes fenêtres sont mal isolées. Ah, ouais, bon. Lâche la poudre, Dan. Ça aussi, je vais faire des efforts. On parle de farine ici. Hein? Oui, bien sûr. Tu fais de la tarte. Oui, pendant que tu fais le show, hein? Oui, ben c'est concept, chaud, tarte, je veux dire, ça va tellement bien ensemble. Voilà. Et celui qui fait de l'humour louche, c'est Luc Desormeaux. Salut Luc! Salut toi l'animateur et toi le co-animateur. Ah, oh, c'est moi tu parlais? C'est nous autres, ça. J'ai comme une promotion tout d'un coup. Ok, toi le chroniqueur. Non, mais d'habitude, je suis comme quoi, la toi, le la canne, ou en tout cas la troisième patte d'une chaise branlante, je sais pas. Théoriquement, t'es Dieu, t'es supposé être comme... Partout? Un tout, puis partout, puis être tout. Oui, mais récemment, on m'a dit que c'était très dans ma tête. OK. Oui, c'est très dans ta tête, ça la mèche. Ton psychiatre t'a finalement ramené à la raison. Il essaye, puis honnêtement, j'espère qu'il y a un bon psychologue, parce que quand il va me ramener à la réalité... Ça va faire, moi. Ça va être son tour. Ça va être son tour à aller consulter. La posologie, c'est bien important. Faut suivre ce que le médecin te donne. Ouais. Puis des fois, une de plus, juste pour être sûr que ça marche bien. Bon, je pense qu'on va avoir du fun cette semaine. Entre autres, on va parler de différents sujets. Luc, tu vas nous parler d'une application pour s'entraîner. Ben oui. Pour s'entraîner, surtout pour... L'entraînement, c'est pas sorcier. La perte de poids, c'est pas nécessairement sorcier. Ça prend des bons outils. Je vais vous parler d'une application qui est un hyper bon outil pour garder une bonne trace de ce que vous mangez à tous les jours. Daniel, Daniel, de ton côté, tu vas nous parler des 25 ans de la Game Boy et aussi d'un jeu Lego. Ben, il y en a tellement pas sur le marché. Je me suis dit, ben, je vais en plugger un, tu sais. C'est une denrée rare. Il y en a tellement pas. Oui, je vais vous parler d'un jeu Lego, mais pas le plus vieux, le plus récent. Donc, Lego de Hobbit. Yes. Et moi, je vais vous parler du film Divergence, tiré d'une série de bouquins. Si vous avez en tête Hunger Games comme étant un comparable, vous êtes pas très loin de là. Vous avez pas mal raison, ça ressemble. Donc ce sera l'émission de cette semaine, mais avant de commencer, débutons avec nos fails de la semaine. Habituellement, ça je disais à Daniel en dehors du show, quand t'es pas sûr si c'est un win ou un fail, habituellement la nouvelle c'est un fail. Juste de devoir se poser la question, c'est un fail. C'est le site Kotaku qui nous sort l'information. Un russe, un joueur de World of Warcraft, est le premier à avoir débloqué les 2057 succès qu'il y a dans le jeu. Oui, monsieur. Oui, madame. Tous les succès. Bravo, champion. Et je sais pas si tu as l'information, ça serait quoi le succès le plus long, le plus difficile? Ça, j'ai pas l'information. Je sais qu'il y a un des succès, c'est d'être le premier de ton serveur à atteindre le niveau 90, parce que ça, c'est la limite des levels. Et ce qu'il faisait, le gars, il s'était mis avec sa gang de chums, il allait sur un serveur qui avait pas beaucoup de monde, montait un personnage rapidement, parce que c'est un power gamer, le gars, et dès que ses amis voyaient des personnages, des personnes qui étaient sur le point d'atteindre le niveau 90, mettons 87, 88, 89, ben, il se mettait à gang puis il attaquait les personnages de ces niveaux-là pour les empêcher d'atteindre le niveau 90 pendant que lui grimpait jusqu'à arriver à la limite voulue, donc le level 90. Donc, disons que côté fair play, c'est pas tout à fait excellent de sa part. Je disais, je suis pas sûr si c'est un win ou un fail, Parce que autant de succès, c'est pas mal d'heures et je me demande à quoi ressemble sa vie en dehors du jeu, s'il y en a une. Ça doit être assez pathétique, merci. Puis en plus, la façon de procéder pour atteindre certains de ces succès-là est tout simplement, c'est dégueulasse, ça n'a pas de bon sens. C'est digne du pire de ce que le gaming peut nous présenter comme être humain, donc... Pas félicitations à toi, cher joueur russe. D'ailleurs, son nom est dans un alphabet cyrillique, donc je suis pas capable de vous dire comment ça se prononce. Ça ressemble à un X, un N à l'envers, à un P, un Y, puis un K, puis un O. Fait que... ouais, ses amis l'appellent Chose. Chose, ouais, c'est ça. En russe, il l'appelle toute Chose. Ouais. Donc, ce dude est une belle crapule et un joueur très puissant sur World of Warcraft. Vous voulez pas le croiser. Mais en même temps, je te dirais, ça veut pas dire que parce qu'il a atteint ce plateau-là, disons-le comme ça, qu'il n'y a pas de vie. Tu sais, je pensais... Il y en a plusieurs dans le jeu. Ben, je veux dire, oui, ça c'est vrai. Mais il y avait un... En fait, il y a toujours un gars qui voulait atteindre le million de gamer score, qui a réussi d'ailleurs. Je pense que son nickname, c'était... Son gamer tag plutôt, c'était Stallion83. Puis j'étais sûr que ce gars-là, écoute, là, il en jouait à des jeux, puis j'étais sûr que c'était un no-life et tout. Non, pas nécessairement. C'est juste quelqu'un qui passait beaucoup de temps sur des jeux, mais qui avait quand même une bonne vie à l'extérieur. Ouais, mais là, il y a avoir des gamer points, puis atteindre tous les succès de World of Warcraft, là. On s'entend-tu que moi, je connais du monde qui en ont mis là, des centaines et des centaines d'heures dans World of Warcraft, puis ils ont peut-être effleuré là, 5% de ce que le jeu a comme potentiel d'offre en termes de choses que tu peux faire dedans. Là. C'est immense, World of Warcraft. Là. Moi, je conteste pas ton loser de la semaine. Tu te trouves loser, il est loser. Mais me semble, pour te rendre là, faut-tu grind en tabarnouche. Là. Ça a comme pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. Mais... Ça doit venir plate à la longue, mais bon. T'sais. Je sais pas s'il y a du plaisir encore à jouer. Je sais pas, à un moment donné, ça vient de job. C'est comme... C'est ça, c'est la question que je me posais quand vous disiez ça. À un moment donné, est-ce que tu joues par plaisir ou tu joues par obligation? Quand est-ce que tu te mets cet objectif-là? C'est une autre question que je me pose. Tu sais, t'es en train de jouer à World of Warcraft, là, tu te dis, ouais, ben écoute, il y a un succès. Je vais essayer de toutes les débarrer, voir. Tu sais, quand est-ce que tu dis ça? Me semble que c'est tellement massif comme investissement de temps que tu dois. Faut que tu sois une personne déjà à la base un peu particulière là, pour te mettre ça comme objectif. Là. Tu peux pas. Je comprends pas. Il y a des jeux dans lesquels atteindre le 100%, ça fait du sens. C'est possible, c'est plausible. C'est fait pour être en mesure d'y arriver. Mais un MMO de cette envergure-là, comme World of Warcraft, n'est pas fait pour qu'une une même personne atteigne tout. C'est pas fait pour ça. Mais ça a l'air que oui, il l'a fait. Il est pas mal tout seul, par exemple. Mais bon, mais ils se donnent son dessus, 2-3, ils se donnent ça à tag, puis ils changent de... Comme à la lutte. Quelqu'un qui joue, tu sais. C'est ça, que, il va travailler dans la journée, fait que quelqu'un qui travaille de nuit ou de soir prend sa place, continue, puis tu sais, ça roule 24 heures, tu sais, t'as presque pas le choix, là. Je veux dire, ça finit plus, ce jeu-là, là. Mais bon, je veux dire, regarde, tant mieux pour lui. Félicitations, champion. Puis, tu sais, un jour, il va se faire pogner dans un petit coin noir, peut-être par d'autres bonhommes qui vont dire « Hey, toi qui m'as empêché de monter au niveau 90, viens ici que je te sac une mornif. » On sait pas, tu sais. Peut-être ça va être dans la vraie vie aussi, pas juste dans un serveur. Moi, je veux savoir le nombre de pizzas qu'il a avalé. Ah, ça doit être astronomique. Ça peut du Red Bull. Ça peut du Red Bull, oui, en effet. Mais bon, regarde. On est full préjugés. Ah oui. Ouais. Je pense qu'il a le droit. Il a le droit de recevoir nos préjugés. Il fait ça pour toutes les autres. Il est tellement fin. Ouais. Donc, voilà le fail de la semaine. Un malade. Si vous êtes investi dans World of Warcraft puis vous aviez le but d'être le meilleur, bon, oubliez ça, il y en a un qui l'a fait. Bon. C'est ça. Ce serait peut-être deuxième. Ah oh, ouais, peut-être deuxième. Daniel, tu voulais y aller à nous parler de la Nintendo Game Boy. C'est 25 ans qu'on célèbre cette année de cette console portable qui a révolutionné l'univers du gaming. Et qu'on rajeunit pas avec ce petit sujet-là. Hey, j'en avais une, moi, quand j'étais jeune. On avait même deux. On était deux enfants, fait que pour pas avoir de chicane, on avait chacun une, on avait la paix. Ah, oh, c'était cœur, hein? On stimulait la surconsommation comme ça. Genre la loi, franchement. Un jeu vidéo comme Guardian, ça date pas d'hier, là. Non, c'est en effet. J'espère que vous partagez les jeux au moins. Vous n'avez pas deux copies de chaque jeu. Non, on se partageait les jeux. Et ça, c'est une affaire que j'ai jamais retrouvée. Même avec eBay, avec Amazon, tous ces services-là d'achat sur Internet, j'avais avis à tous ceux qui nous écoutent. Si jamais vous avez déjà entendu parler de ça, ma mère, quand j'étais jeune, avait été en un voyage en Espagne et avait ramené une cassette de Game Boy, la première génération, là, en noir et jaune, vert kaki, là, teinte de grise, on se comprend. Elle avait ramené une cassette de 123 jeux. J'avais, entre autres, Mickey Mouse de Castle of Illusion là-dessus, j'avais du Mortal Kombat, il y avait, des jeux vraiment intéressants et j'ai jamais retrouvé cette cassette-là. Je le sais là, que ça doit être piraté, là. Mais ça doit pas, c'est comme totalement dans l'illégalité. Oh, non, c'est clair. Juste d'en parler, la police pourrait aller cogner chez vous. Peut-être, c'est possible. Mais autant il y en a sur NES qui sont retrouvables encore aujourd'hui, des 900 jeux en un, puis ça donne très très bonne valeur. Je n'ai jamais été en mesure de retrouver cette cassette-là nulle part. T'sais, si jamais vous avez la capacité, là, vous avez déjà entendu parler de ça, contactez-moi via notre compte sur Twitter, @realitéhog. Venez me jaser de ça. Je suis curieux. J'essaie de remettre la main là-dessus pour retomber dans mes souvenirs d'enfance. Et pour les gens de la GRC qui écoutent, moi et Daniel, on se dissocie complètement de cette demande de cassette piratée. En fait, je dirais même GRC, SQ, SPVM, tous les corps de police existants au monde, FBI, CIA, whatever. Interpol ou la petite police locale dans une banlieue de Russie éloignée, je me dissocie des propos de Charbonneau. C'est ça, et moi aussi. Ceci étant dit, je vous aime pareil, les Bugs. Vous êtes mes amis, même si vous êtes des stooleux. Ouais, ben, bonne chance dans ta recherche de cartouches, mon grand. mais, ceci étant dit, la Game Boy fête quand même ses 25 ans. Ah oui, 25 ans. Parle-nous un peu là, de l'origine de la console et de ce que tu voulais souligner là, dans le cadre de cet anniversaire. Ben, c'est quand même un anniversaire qui mérite d'être souligné. Et, bon, que la console ait 25 ans, c'est une chose, mais c'est quand même une console qui a été produite pendant très longtemps. Je me rappelais pas qu'elle avait été fabriquée pendant autant d'années. Pour vous donner une idée, la console est parue en 1989 au Japon, le 21 avril le plus précisément. Il a fallu attendre à peu près 6 mois de plus en Amérique du Nord pour l'avoir débarquée ici. Mais la fin de sa production a été officialisée en 2003. Donc, on parle quand même d'une console qui a été fabriquée pendant 14 ans. C'est quand même pas rien, là, on s'entend. C'est pas la plus longue longévité, mais elle est quand même assez notable. Ben, oui, elle est notable. Puis, il faut dire aussi que la Game Boy et la Game Boy Color sont vendues à plus que 118 millions d'exemplaires à travers le monde, ce qui est pas rien. Et tout au long de sa vie, la Game Boy a réussi à maintenir sa popularité parce qu'il y a eu des bons jeux qui ont été lancés dessus et parce que Nintendo a vraiment révolutionné l'univers des consoles portables. C'est contrairement à ce que certains pensent, Nintendo n'est pas la première qui s'est lancée dans le marché des consoles portables. J'ai retrouvé entre autres une anecdote qui faisait mention qu'une compagnie de jouets, Milton Bradley, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais il y avait des Game & Watch, des choses comme ça. Des Game & Watch, ça, c'est Nintendo. Ouais. Mais c'était des consoles... En fait, j'hésite à qualifier ça vraiment de console parce que c'était vraiment... C'était plus comme une petite plateforme où tu avais un jeu prédéfini dedans. Là. Tu sais, tu pouvais pas insérer des cartouches là-dedans. Ou tout, ouais, un peu comme les premières consoles. Tu n'avais pas le choix, c'est ce qui venait dedans, puis c'est ouais. Tout. Là. Bon, ouais. Ils se vendaient des petites bornes d'arcade aussi quand on était jeune avec genre Pac-Man ou Space Invader ou des choses comme ça. Là. C'était vraiment comme une mini-borne d'arcade. Tu avais un jeu dedans. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, les Game & Watch, il y avait aussi des graphiques prédéfinis dessus, tu sais, dans le sens que, l'animation se mettait sur des images qui étaient déjà collées sur l'écran. Donc, c'est pour ça que j'hésite à vraiment qualifier les Game & Watch de console, mais il y avait des compagnies qui s'étaient déjà essayées dans le passé, avant 1989, pour exploiter un peu ce marché-là pas exploiter, si on veut. Mais Nintendo a décidé d'aller de l'avant avec la Game Boy en développant une console qui n'allait pas être nécessairement très puissante, mais qui allait offrir une portabilité qui serait intéressante. Puis, ils ont totalement réussi là-dessus. Tu parlais tantôt de l'écran en soi-disant noir et blanc, mais qui était plus jaune et vert. Ben, dans le fond, c'est un écran monochrome que Nintendo a volontairement inclus pour faire diminuer le coût de vente de la console. Ben, ça donc, a permis qu'elle soit accessible pour les gens. Exactement. Le monde, le commun du mortel, était capable de se la procurer, ce qui n'était pas nécessairement le cas de la Game Gear, qui, elle, était vraiment plus chère. Oui, il y avait de la du rétro-éclairage. Oui, il y avait des graphismes pas mal plus évolués, de la couleur. Ah ouais, donc, ça grugeait de la batterie, ça n'avait pas de bon sens. Et le prix d'achat pour l'acquérir avait lui aussi pas de bon sens. Fait que les gens y allaient avec l'option Game Boy, qui était plus accessible. Ouais, puis tu sais, la Game Gear, je me rappelle, quand j'y jouais, je pense que ça prenait 6 piles pour 4 heures. Ah, une affaire de même, c'était hallucinant. C'était débile, tandis que la Game Boy, elle avait, je pense, c'était 4 piles pour au moins 10 heures, voire même beaucoup plus. Donc, tu sais, c'était une console qui était quand même bien conçue, qui était très résistante d'ailleurs. Je sais pas si vous avez déjà réussi à péter une Game Boy, mais moi, j'y suis jamais arrivé. Ben, moi, j'ai jamais personnellement essayé de la péter, mais bon. Non, mais tu sais, mais quand tu... Tu sais, ben, plus de capot pour les piles. Moi, je sais que la mienne là, avait. Tu sais, quand t'as cogne quelque part puis qu'elle reste comme marquée, là, elle change de couleur, là, elle a comme un trait. C'était ça. Ah, t'as fait ça, toi. Elle était marquée solide. Ah, ben, coudonc. Jean-Benoît, un petit côté violent qu'on soupçonnait pas. Non, écoute, les aléas de la vie d'un enfant de 8-9 ans, là, ça brasse. Un enfant de 22 ans. Non, je pensais qu'elle allait dire les aléas d'un enfant colérique de 8-9 ans. Non! Mais ben, c'était une console qui était quand même assez robuste. Là, c'était pas la plus mince, mais elle était assez robuste. Elle se prenait bien en main. Elle était assez épaisse pour bien se tenir. Moi, j'aimais ça. Ouais. Moi aussi, j'ai adoré ça. Puis, tu sais, c'est ça, tout au long de sa durée de vie, ben il y a eu des jeux quand même très intéressants qui sont parus dessus. Le premier gros succès de la Game Boy, ça a été Super Mario Land. On estime les ventes à plus de 18 millions d'exemplaires. Et bon, par la suite, il y a eu Link's Awakening, Metroid, Donkey Kong Land. Tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de bons jeux. Et en 96, la Game Boy a connu un regain de vie grâce à une certaine franchise Pokémon. Bleu et rouge. T'as oublié Tetris. Oui, ah, Tetris. J'ai tellement joué à Tetris, ce jeu. Tetris, ça a été mon premier. Ah non, écoute, je te comprends totalement. Ça a été mon premier jeu sur la Game Boy, puis je l'amène même aux toilettes. Hey, je me couchais le soir, puis je rêvais à mettre des blocs dans le bon sens. Là. C'était même pas drôle. Là. Ouais, puis après ça, tes parents, ils disaient, ben, tu mets des blocs, puis tu classes bien des choses dans un jeu, fais la même chose dans ta chambre. Ouais, c'est ça, là, ça allait un peu moins bien. Ouais, c'est ça. La musique, puis tout, hein, c'était hot. Ben, tu sais, les gens, quand ils ont essayé la Game Boy, ils trouvaient pas que c'était très beau. Ils trouvaient pas non plus que le son était très bon. Mais c'était une console, tu sais, qui livrait la marchandise, qui était pas très chère, puis que les gens avaient du plaisir dessus, puis qu'il y avait un catalogue assez intéressant de jeux, puis ça s'est vraiment échelonné sur toute la durée de vie de la console. Il y a eu des successeurs. Non, ce n'est pas la Nintendo DS, ça c'est une autre marque, mais la Game Boy, il y a eu entre autres la Game Boy Color, il y a eu aussi deux variantes de la Game Boy originale, la Game Boy Pocket puis la Game Boy Light. Ouais, mais celle-là a juste été lancée au Japon, je pense. Il y a une version qui a juste été lancée au Japon. Puis on a essayé de corriger certains problèmes, dont entre autres le rétro-éclairage qui était absent de la Game Boy originale. Puis bon, après ça, il y a eu la Game Boy Color qui a été un autre gros succès. Et après ça, ben on a le droit à la Game Boy Advance, Game Boy Advance SP. Et la marque Game Boy, a connu son trépas avec la Game Boy... Implosé. A pété, finalement, ouais. Avec la Game Boy Micro. Donc, c'est vendu à 4 copies, à peu près. Mais qui est extrêmement cher aujourd'hui. Hein? C'est un objet de collection. C'est souvent ça. Hein? Quand une affaire ne fonctionne pas au moment d'être lancée, ben, il devient rare et après ça, il prend de la valeur. Ben, j'en ai une. Je suis content d'en avoir une. Mais c'était tout petit, la Game Boy Micro. Ce que j'ai aussi aimé quand j'ai fait l'historique de la Game Boy, c'est de voir le nombre de gadgets qui sont sortis sur cette, ben, en fait, pour cette console-là. Il y en a des un peu plus obscurs que j'avais jamais entendu parler. Tu sais, tantôt, Jovenel, tu disais, bon, on avait chacun notre Game Boy, tout. Il y avait le fameux Cable Link. Ouais. Qui permettait de relier les consoles ensemble. Et qui se souvient pas de la Super Game Boy. Boy, qui permettait de jouer au jeu Game Boy sur sa Super Nintendo. Ça, c'était cool. Et ça rajoutait de la couleur dans certains jeux, comme les jeux Pokémon. Oui, c'est vrai. Puis tu pouvais choisir des arrière-plans aussi. Il y avait des... C'était donc bien révolutionnaire. Ah, écoute, c'était écœurant. Hein? Non, mais c'est je ris bien, là. Je fais des jokes, là, mais je le prendrais, moi, aujourd'hui, avec la Wii U, une compatibilité, une cartouche comme ça, pour pouvoir jouer les jeux de 3DS. Ouais, avec l'écran tactile que tu as sur la manette, tu peux tout faire ce que tu as sur la console mobile, sur la console de salon. Moi, si j'étais Nintendo, j'en vendrais des copies, puis des copies, puis des copies. Ça serait pas trop long, là. Juste mettre un adapteur dans le gamepad. Ben oui, aussi. Pour mettre une cartouche. Ah non, écoute, il y a tellement de belles possibilités. Puis là, ben, il n'y a plus personne qui va pouvoir dire hey, il manque de jeux sur la Wii U. Non, écoute, tu as toute la bibliothèque de la 3DS. Telle-toi, mon grand, là, si tu veux traverser tout, t'as du temps, ben en masse, t'as du jeu. Ouais, ça te permettrait de partir juste avec le gamepad, puis aller, tu sais, en voyage, oui. T'inquiète, t'amènes le gamepad, tu le charges, ça te fait comme une 3DS portable aussi. Ben là, faut qu'il communique avec. Ouais. Mais non, si ta cartouche rentre directement dans ton gamepad, puis c'est le gamepad, il y a comme une. Ouais, mais là, il te manque un écran, par exemple. Ben non, le gamepad, t'as un écran dessus. Oui, mais ça t'en prend deux pour une 3DS. Ah, OK, d'abord. C'est pour ça que dans le salon, ça faisait du sens. Virtuellement. Ouais, ça te fait pas un grand écran, mais bon. En tout cas, il y a moyen de moyenner, je suis convaincu. Ben, voulez-vous des exemples de gadgets un peu plus obscurs pour, vas-y. Pour la Game Boy? Il y en a qui n'ont jamais été commercialisés. Mais au début des années 90, les fameux PDA qui n'existent plus aujourd'hui étaient très, très populaires. Puis il y en a qui se sont dit « Hey! » On va utiliser la Game Boy pour ça. Fait qu'on va développer des logiciels de calcul, d'agenda électronique, de ci, de ça, pour la Game Boy. Fait que les hommes d'affaires auraient utilisé une Game Boy pour avoir leur logiciel de calcul et tout, mais ça... Mais ça dans un meeting, tu sors ta Game Boy. « Oui, excuse, je mets ça à mon agenda. Ouais, niaise-moi le grand. » C'est pour ça que ça n'a pas vendu. Écoute, là, sérieux. Mais l'exemple le plus... bizarre que j'ai vu. Puis ça n'a pas sorti du Japon. Mais au Japon, ils ont sorti un sonore pour Game Boy. Donc, le sonore servait aux pêcheurs pour repérer les poissons. Et ça pouvait aller jusqu'à 20 mètres de profondeur, ce fameux sonore-là pour la Game Boy. C'est un peu weird, là. T'sais, je veux dire, tu sors ton Game Boy, tu es dans ta chaloupe, puis là, tu repères ton poisson. C'est bizarre. Ouais, fait que... ça fait. Ben, ça n'a jamais sorti du Japon. C'est resté là. Fait que. Mais ça aurait été cool s'il aurait rajouté un Mario qui essaie de nager entre les poissons dans l'eau, tu sais. Les maudits niveaux d'eau. Ils ont fait un jeu rien qu'avec ça. Ça peut même pas avoir vendu. Ouais. Vous connaissez mon amour pour. Ben écoute, la Game Boy, c'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup d'anecdotes aussi. Si vous voulez lire ça et en savoir un petit peu plus sur l'histoire de la console, ben vous pouvez toujours aller lire mon article sur Affaires de gars qui décrit les 25 ans de la Game Boy. Fait que je tenais juste à souligner cet anniversaire-là, puis une console qui, je pense, a vraiment marqué le domaine du jeu vidéo et a vraiment ouvert la voie à Nintendo sur le marché des consoles portables, qui le domine toujours. Ouais, une suprématie qui est continue et éternelle pratiquement. Ouais. Depuis. Ouais, éternel, on verra, là. À part Sony avec la Vita puis la PSP, il n'y a plus vraiment grand-chose. Il y a eu Atari qui en a eu une à un moment donné, il y a eu une couple de compagnies, mais présentement, il y a juste Nintendo puis Sony. Puis on s'entend que Sony, même si c'est une très bonne console, on dirait que ça lève plus ou moins. Non, c'est pas du calibre. Puis c'est là où est-ce que... ça donne un argument à Nintendo de nous sortir une Wii U, tu sais, dans le sens que la Wii U n'est pas la plus puissante, n'a pas nécessairement le gameplay le plus divergent Mais Nintendo se dit ça va fonctionner parce que la 3DS, c'est la même affaire. T'as la Vita d'un bord qui est hyper puissante, qui a plein de gadgets de jouabilité particuliers, du tactile en arrière, de la console, des affaires bien particuliers. Et pourtant, ça vend moins que la petite 3DS, qui est la même formule depuis pratiquement une dizaine d'années, à part le fait qu'il y a de la 3D que tout le monde enlève tout le temps, puis du tactile sur un écran. Il n'y a rien de bien particulier sur cette console-là. Et pourtant, elle est numéro 1. Oui, mais c'est ça. Ça touche beaucoup les jeunes enfants. C'est parce que n'importe qui peut jouer à une 3DS puis à une DS, tu sais. Tandis que c'est plus les adultes ou les ados qui vont aller vers la Vita pour le genre de jeu qu'il y a dessus, des choses comme ça, tu sais. Puis, fait tu demandes à un enfant, tu veux quoi, une Vita ou une 3DS? Ils vont dire qu'ils veulent une 3DS à cause de Mario, à cause de Yoshi, à cause de Kirby, puis, tu sais, les Pokémon, puis ces affaires-là. Fait que, je veux dire, c'est sûr que tu as des franchises qui vont avec le fait que ta console va se vendre, là. Tandis que Sony, ça marche un peu moins. Si la Vita, c'est-tu la dernière? Oui, c'est la dernière. C'est-tu le dernier essai de Sony dans la console portable? Il y avait des rumeurs que Microsoft voulait se lancer, mais on est dans une console portable. Mais peut-être qu'ils regardent le marché et du bois, finalement, on va se retenir. Peut-être. C'est très possible. Ah ouais, non, ça se peut qu'ils reviennent en arrière dans cette idée-là. Donc, voilà pour ce dossier. D'ailleurs, je suis en train de chercher sur eBay. La police m'a toujours interpellé, fait que je continue mes recherches. Je veux... J'ai des contacts, en passant. Si tu veux avoir la police sur ton dos, là, je peux t'arranger ça. Ça s'organise, hein? Il peut t'arranger ça facile, ouais. Ben, il les a connus, hein, lors de ses nombreux passages en prison, hein? C'est ça qui arrive. Ouais, c'est sûr, quand t'es criminel non. comme travail. C'est pas en prison que je suis allé en cours, mais okay. J'ai payé mes avocats, puis ça, je suis jamais allé plus loin que la cour. OK, c'est bon. On va y aller avec toi, Luc. Tu voulais nous parler de cette application pour aider à l'entraînement. Qu'est-ce que ça offre comme possibilité? C'est certainement pour comptabiliser un peu les performances? C'est pour comptabiliser un peu tout. Bon, l'été s'en vient, puis je me suis dit, ça serait le fun. Moi-même, j'ai commencé à retourner au gym pour m'entraîner et bon, ça fonctionne quand même assez bien. Mais, tu sais, on veut avoir une shape de plage pour l'été et non pas avoir l'air d'un ballon de plage des fois. Donc, si vous voulez perdre un peu de poids, il y a une application qui existe que j'ai découvert, je ne sais trop comment, et puis qui fonctionne très bien. C'est disponible sur iPhone, iPad, Android, même BlackBerry. Oui, mon vieux BlackBerry, qui s'appelle MyFitnessPal. Donc, qu'est-ce que ça fait, MyFitnessPal? Ben, ça va vous encadrer pour tout ce qui est entraînement, nutrition. Vous pouvez voir votre progression, vous pouvez voir comment votre alimentation... Ça peut vous donner aussi des graphiques à vous dire, bon, votre alimentation, vous mangez trop de ça, pas assez de ça, puis ça va vraiment vous encadrer. Donc, vous téléchargez l'application, vous l'installez, vous ouvrez un compte. C'est totalement gratuit, aucun frais pour cette application-là. Je l'utilise depuis déjà quelques temps, activement depuis un mois, juste sporadiquement pour l'essayer un peu puis trouver que c'était bien cute avant ça. Mais donc, ce qu'on commence, on se crée notre compte, puis on se met nos objectifs. Donc, on va se dire, bon, on aimerait ça perdre tant de poids. On a tel poids, on aimerait ça perdre tant de poids. Vous pouvez l'entrer, vous pouvez laisser faire aussi. Vous pouvez juste dire, bon, je mesure telle grandeur, je pèse tel poids et je suis un homme, je suis une femme, puis on part avec ça. Donc, moi, personnellement, j'ai rentré comme objectif à chaque jour que faut pas que je dépasse 1850 calories dans ma journée. Pour les hommes, ça peut être à peu près ça. Si vous êtes à peu près à ma grandeur, donc 5 et 10, 5 et 11, bon, vous pouvez vous fier là-dessus à peu près. 1850 calories, c'est à peu près ce que votre corps a besoin pour survivre dans une journée quand vous faites pas trop grand-chose. Si vous êtes un grand sportif, vous allez avoir besoin de plus que ça. Si vous êtes très, très actif, mais la plupart des gens ont un travail de bureau, assis toute la journée, puis le seul temps qu'ils marchent, c'est pour aller au micro-ondes, faire chauffer le lunch le midi, des choses comme ça. Donc, on n'est pas tellement actif. 1850 calories, c'est bon. Donc, vous partez, vous mettez votre 1850 calories. Après ça, ce que MyFitnessPal va faire, c'est qu'il va vous demander d'entrer à chaque jour, pour chaque repas, ce que vous mangez. Bon, des fois, c'est compliqué, on ne sait pas trop. On ne veut pas rentrer toutes les informations à la main. Ce qui est vraiment extraordinaire avec cette application-là, c'est que si vous allez, mettons, dans votre journal alimentaire, là, je le fais en même temps, j'ai mon iPad à côté de moi, votre journal alimentaire, vous allez faire, bon, eux autres, c'est si vous l'utilisez en anglais, ça va être les termes normaux. Si vous l'utilisez en français, c'est le français de France qui domine. Donc, c'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. Puis, bon, par bout, la traduction n'est pas super. Là. Les collations, c'est des snacks. Bon, ça devrait être des collations, mais bon, ça a dû être traduit par quelqu'un en France. En français de France, snacks, c'est un snack. C'est français. C'est ça. Donc, apprends ton dictionnaire, mon Luc. C'est ça, dictionnaire anglais, français de France. Ouais. Donc, si vous touchez plus sur petit déjeuner, puis là, ça vous donne une liste. Comme moi, j'ai déjà entré des aliments, des produits que j'ai consommés. Ils sont déjà là. Il y a déjà une liste de tout ce que j'ai mis comme aliments, du poulet, que ce soit du lait, que ce soit des produits déjà préparés qu'on achète au supermarché, comme, je sais pas, des repas surgelés, tout ça. Il y en a déjà qui sont là-dedans. Donc, vous pouvez marquer tout simplement, puis là, c'est vraiment la beauté de l'application, puis c'est comme ça, même sur le BlackBerry, qui est une application un peu moins sophistiquée, bon, parce que le OS du BlackBerry, en tout cas, le mien date, là, c'est pas le récent, comme je disais. Vous pouvez taper, bon, mettons que je m'en vais chez McDo, puis je veux manger un Big Mac. Fait que je vais taper Big Mac dans la boîte, puis je vais faire rechercher. Puis là, il va me sortir exactement... Le Big Mac de chez McDonald's Canada, un hamburger, c'est 540 calories. Donc, je peux choisir ça, puis ça va me donner les calories qui viennent du gras, les glucides, ça va me donner aussi les protéines, ça va me donner vraiment une liste de vitamines, ça va me donner tout ce qu'il y a dedans. Donc, il y a une base de données qui existe chez MyFitnessPal qui a déjà entré, si vous tapez des repas de McDo, de Wendy's, du Subway, du Dagwoods, ça peut vous dire un sous-marin Subway au poulet avec du fromage, il y a tant de calories là-dedans. Donc, ça vous permet vraiment de savoir quand vous mangez, ce que vous mangez, puis combien ça vous coûte de calories aller manger ça. On s'entend que j'ai le droit à 1850 calories dans la journée. Si mon hamburger chez McDo en vaut 540, puis je mange une patate frite avec ça qui en vaut un autre 300, puis je bois un Coke plein de sucre qui en vaut un autre 400, si je rentre vraiment ça comme mon dîner, là, ben il me reste plus de place pour manger pour le restant de la journée. Fait que là, l'application te chicane, puis... Elle te chicane pas. Elle va te mettre en rouge quand tu dépasses le nombre de glucides ou de protéines ou de gras que tu vas manger dans la journée. Elle va te le mettre en rouge, mais l'application te chicanera pas. C'est pour te faire... Te sensibiliser. Faire réaliser ce qu'on mange en une journée, comment ça peut être, tu sais, trop. Puis, je veux dire, la perte de poids, c'est pas sorcier. Si tu dépenses plus d'énergie que tu en consommes, tu vas perdre du poids. Fait que c'est vraiment l'application qui est faite pour gérer ce que vous mangez à tous les jours. L'autre beauté de cette application-là, c'est qu'il y a un scanner de code-barre avec la caméra. Donc, si je m'en vais pour déjeuner, puis je vais manger, deux toasts au Cheese Whiz, léger, comme d'habitude, tu sais. Fait que je vais pouvoir prendre le code-barre qui est sur mon pain, le scanner avec la caméra, puis ça va reconnaître le code barre, reconnaître le produit, et ça me donne du pain sandwich, le Smart de chez Pomme, puis ça me donne une portion, c'est deux tranches, donc je mets une portion, c'est 190 calories, j'ajoute ça, je peux faire la même chose avec ma bouteille de Cheese Whiz, je vais la scanner, puis ça va me donner exactement le nombre de calories, dépendant si c'est du léger ou pas. Donc, vous pouvez scanner les codes barres de vos aliments, puis ça va apparaître dans la base de données. Moi, ça me fait un peu peur, dans le sens que est-ce qu'on transmet l'information à des partenaires d'affaires? Tu sais, on scanne tout, là. Est-ce qu'on va recevoir de la publicité à un moment donné d'un produit équivalent, mais mieux santé? Tu comprends là, le genre de réseautage que l'application peut faire? Ouais, je te comprends, mais tu vois, ça fait déjà 3 mois qu'il est installé sur mon iPad. Ça fait 1 mois que j'utilise intensif à tous les jours, là. Si vous regardez mon application à moi, là, vous pouvez reculer un mois en arrière, puis il y a absolument tout ce que j'ai mangé depuis un mois. Et puis, j'ai reçu zéro publicité. de rien pantoute. Okay. Je reçois des courriels de MyFitnessPal, mais pour me dire qu'il y a des nouvelles fonctionnalités ou pour me féliciter parce que ça fait 20, 25, 30 jours que tu sais, ça fait 20 jours que j'utilise à tous les jours. Là. Fait que ça fait pas un mois, ça fait 20 jours aujourd'hui à tous les jours je vais dedans pour entrer. Ce que j'ai mangé. T'sais. Mais c'est fait pour vraiment aider à une perte de poids. Comme je vous disais, c'est pas sorcier. Si vous consommez moins de bouffe que vous dépensez d'énergie, vous allez perdre du poids. C'est tout si simple que ça. Il s'agit d'être un peu actif et tout ça, puis ça rentre assez vite en ligne de compte pour que ça paraisse. Donc, vous vous donnez un objectif, comme je vous dis, moi c'est 1850 calories, vous pouvez peut-être vous baser là-dessus. Si vous voulez quelque chose de précis, allez voir une nutritionniste, faites-vous aider un peu à savoir c'est quoi votre masse corporelle, qu'est-ce que ça vous prendrait pour perdre du poids, puis cette application-là va vous aider à atteindre votre objectif. Ma nutritionniste connaît cette application-là, puis elle était super contente quand j'ai dit que je l'utilisais, parce qu'elle dit ça va rendre ta vie plus facile. Tu le sais exactement combien tu as mangé, puis si tu dépasses, tu le sais. Fait que ça va vous aider. C'est sûr, c'est le mieux, c'est de s'approcher le plus possible du minimum, parce que si vous êtes trop en bas du minimum, ben là, vous allez juste tout simplement manquer de gaz, si on peut dire, pour juste vivre à tous les jours, parce que ça prend un certain nombre de calories pour le corps pour juste survivre dans une journée en restant couché dans le lit. Ça vous prend tant de calories quand même pour vivre, même si vous ne bougez pas. Fait qu'il ne faut pas aller en bas de ça. Mais cette application-là va vous aider à gérer ce que vous mangez. C'est sûr, je veux dire, il faut se faire plaisir de temps en temps. Fait qu'une journée, de temps en temps, c'est pas grave si vous dépassez. Faites juste plus attention le lendemain. Puis le but, c'est d'être un peu plus actif. L'application aussi a un journal d'exercice. Vous pouvez rentrer des exercices, comme il y a du cardio, quel exercice cardio vous avez fait, pendant combien de temps, combien de calories vous avez brûlé, puis aussi exercice de musculation, qu'est-ce que vous avez fait, combien vous avez brûlé de calories, puis ça va tout calculer selon votre consommation de calories, puis tout ça. Ça peut même vous donner le poids où vous devriez être rendu si vous avez, tu sais, selon votre ratio de bouffe, exercice et tout ça. Fait que c'est vraiment une application qui est hyper complète. Si vous avez des amis qui l'utilisent, vous pouvez ajouter des amis dans la liste. Là, ça va comparer vos résultats avec vos amis. Fait que ça nous donne un petit boost pour dire, regarde, je peux être meilleur que toi, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a possibilité d'envoyer des messages et tout ça. Des rappels, l'application peut vous envoyer des rappels pour vous dire, ben là, ça serait le temps que tu aies été entraîné, puis tout ça. Donc, moi, je m'en sers vraiment spécifiquement pour les repas, parce que moi, au gym où ce que je m'entraîne, ils ont une application à eux pour mon entraînement et tout ça. Donc, la fille qui s'occupe de faire mon entraînement me le met dans une application, puis à chaque jour, je peux aller là-dedans, puis quand je fais mes exercices, j'y rentre. Donc, je gère mon entraînement dans une application séparée, mais elle, c'est vraiment pour ma bouffe. Ça va hyper bien. J'adore cette application-là, juste pour le fait que j'ai pas à me casser la tête à dire, bon, ben là, OK, dans ce pain-là, il y a 5 protéines, 6 protéines, tant de glucides. J'ai pas besoin de le rentrer à la main. Je scanne le code barre, ça sort. Puis il y a des affaires vraiment que j'aurais jamais pensé que ça aurait sorti quelque chose qui vient de chez Metro, du irrésistible. C'est dans l'application. Ah ouais, t'sais? OK. T'sais, ça, c'est hyper complet. Puis des fois, vous allez scanner un code barre, puis ça va vous donner 2-3 produits, parce que ça dit, OK, mais le même code barre est peut-être utilisé ailleurs dans le monde pour un autre produit. Puis là, OK, moi c'est lui le produit. T'sais, ça vous donne le produit, mais là, vous le touchez, puis il va l'ajouter dans votre liste. Et vous n'avez pas besoin de toujours le scanner, parce que la prochaine fois, il est déjà inclus dans votre liste de ce que vous avez mangé. Et c'est vraiment ouvert, c'est facile à utiliser, c'est versatile aussi parce qu'on peut scanner, on peut rentrer. Si on ne le sait pas, on tape le nom du repas. Des fois, c'est plus facile de le taper en anglais, ça sort plus de résultats, mais en français aussi, ça le sort. Puis j'imagine, moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais j'imagine si j'ai un nouvel aliment, je scanne un aliment qui n'est pas dans la base de données, si vraiment je prenais le temps de tout rentrer les informations de l'information nutritionnelle qui est sur la boîte, j'imagine que ça va dans leur serveur, puis l'aliment est ajouté. Donc, toi, Jean-Benoît, tu le scannes après, ben, ça va te donner l'information que moi j'ai rentrée. Il y a du partage d'informations là-dedans. Ah oui, sûrement, parce que sinon, c'est une job qui est monstrueuse. Ça n'a pas de fin. Puis c'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça, tu sais. Mais c'est vraiment super intéressant. J'adore vraiment cette application-là. Ça fonctionne super bien. Puis quand vous allez avoir tout rentré, comme moi, je sais d'avance, dans une journée, je sais ce que je vais manger. Je sais ce qu'on va manger pour souper. Je sais qu'est-ce que ça va être mon lunch. Je sais ce que je vais manger pour déjeuner. Toute l'improvisation, ça, non, hein? Ben oui, mais dans la semaine, j'ai pas le temps de niaiser. Quand tu commences à avoir des enfants qui vont à l'école, puis t'as un job, puis tu vas t'entraîner le matin, t'essayes d'être un petit peu ordonné. Sauver du temps, là. Fait que dans la semaine, je sais ce que je vais manger. La fin de semaine, je le sais moins. Fait que c'est moins facile. Fait que le matin, ou le des fois même le soir d'avant, je vais rentrer mes repas du lendemain. Puis je sais exactement ce qui va me rester comme calories. Comme si je regarde aujourd'hui, là, il me reste encore... Il me reste encore 523 calories. Fait que si je voudrais aller manger un bol de céréales avant d'aller me coucher, je pourrais. J'aurais le droit. Fait que tu sais ce qui te reste. Et je sais aussi que j'ai mangé un petit peu trop de lipides aujourd'hui. Puis j'ai fait un petit peu trop de gras. Puis j'ai mangé un petit peu trop de protéines. Mais, tu sais, faut pas virer fou non plus. Si vous n'avez pas dépassé votre nombre de calories pour la journée, tu sais, que vous mangez un peu plus de lipides une journée, un peu plus de protéines une journée, je veux dire, ça ne fera pas une hyper grosse différence. Il faut juste savoir que le gras contient beaucoup de glucides. Je pense qu'un gramme de gras contient 9 grammes de glucides, qui est des sucres, parce que ça se transforme. Mais en tout cas, je ne donnerai pas un cours de nutrition aujourd'hui, là. Ricardo sort de ce corps. Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait des années. C'est la troisième fois que je me lance dans la perte de poids. Puis j'ai déjà perdu 80 livres dans le passé, j'ai déjà perdu un autre 50 livres avant. Puis à un moment donné, il y a toujours la vie te rattrape, puis là tu commences à perdre ton chemin, puis tu surprends toujours un peu de poids. Là, je suis en train, tu sais, je viens de pogner 43 ans, là, fait que tu veux quand même essayer d'avoir une habitude de vie quand même pas si pire pour te rendre vers ta cinquantaine, parce que plus on vieillit, plus c'est dur de se remettre sur le chemin. Donc c'est le temps. Puis j'ai le goût de voir mon gars grandir un peu, puis être peut-être grand-papa un jour. Fait que j'essaie de faire attention, puis c'est une application qui va vous aider à gérer votre bouffe comme il faut. Donc moi j'adore cette petite application-là. Puis en plus, elle est gratuite, puis à date, je vous le dis, j'ai pas vu de tentative de faire du cash avec ça. Y a peut-être l'option d'aller pour une version pro, mais je peux pas voir pourquoi. Parce qu'il y a tout dans cette application-là. Elle n'est pas limitative. Non, c'est vraiment super bien fait. Puis si vous avez un iPad, un iPhone ou n'importe quelle version, parce que finalement Windows Phone, Android, n'importe quoi, c'est disponible. Téléchargez-la, c'est MyFitnessPal. Puis jouez avec, vous allez voir, c'est super bien fait. C'est vraiment peaufiné. C'est facile à utiliser. Puis si vous l'utilisez, tant mieux. Si vous ne l'utilisez pas, ou si vous l'utilisez juste de temps en temps, vous allez au restaurant et ça vous intéresse. Ouais, je mange un Big Mac, une grosse patate, puis une liqueur format 2 litres. Ça me donne quoi comme calories? Vous allez peut-être vous apercevoir pourquoi vous avez une petite bedaine de bière. C'est pas nécessairement la bière. Peut-être pas, non. Non, puis des fois, on trouve des choses un peu bizarres. Comme il y a des aliments qui n'ont pas de calories décrits dessus. Tu prends une bière, c'est pas nécessairement marqué sur la bière combien t'as de calories. Tu prends un verre de vin, tu achètes une bouteille de vin, c'est pas marqué, il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de données nutritionnelles sur la bouteille de vin. Mais grosso modo, un verre de vin de 10 onces, il y a 240 calories là-dedans. Juste pour vous donner une idée. Fait que je ferai pas ça toutes les semaines, vous donner des informations nutritionnelles. Là, c'était un one-shot deal. Si vous avez aimé ça, dites-moi là, puis peut-être que j'en ferai d'autres. Là. On fera pas ça toutes les semaines, on commencerait à être pertinent. Puis ça, là, commencerait à être pertinent. Ben là, ce moment-là, on parle de jeux vidéo, on parle de films, on va faire la fin. C'est une application qui est autre qu'un jeu. Ça pourrait être intéressant aussi. Peut-être. Ça va peut-être se rapprocher de la techno à un niveau débutant. Comme je disais, j'ai participé au podcast des Gumballoon pour leur épisode sur Captain America, le soldat de l'hiver. Et on parlait justement du titre de l'émission. Puis je disais, le techno à un autre niveau, c'est faut que tu prennes la Warp Zone. C'est là que ça se passe. Tu rentres le code Kodami, puis on parle de techno dans ce bout-là. Ouais, c'est à peu près ça. C'est là que ça se passe. Donc, rappelle-nous, Luc, le nom de l'application, puis c'est disponible sur quoi là, pour les gens qui l'auraient peut-être manqué? OK, vu que t'écoutais pas, puis ça fait la troisième fois que je le dis. Non, c'est disponible non, sur iPhone, iPad, Android, BlackBerry et Windows, j'imagine c'est Windows Phone, c'est tous les appareils mobiles. BlackBerry, je sais que c'est disponible. Moi, j'ai un vieux BlackBerry qui est pas le QOS, je pense. C'est-tu QOS, le nouveau OS de BlackBerry qui est pas QOS et c'est disponible dessus. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être aussi une version pour le nouveau OS de BlackBerry. Donc, c'est disponible sur toutes ces plateformes-là. Donc, et ça s'appelle MyFitnessPal. MyFitnessPal. Fait que M-Y Fitness, F-I-T-N-E-S-S-P-A-L. Cherchez ça sur le iTunes Store ou quelque chose comme ça, puis vous allez le trouver. Sinon, tapez myfitnesspal.com sur Internet, puis ils ont un site Internet où ça vous donne les liens aussi pour l'application. Jamais de moi. Je t'écoutais. Non, je pense qu'on continue à douter pareil. On y va avec Daniel, vu que Luc n'est pas fin. Daniel, tu voulais nous parler un peu d'un jeu de Lego. C'est le Hobbit, cette fois-ci, qui passe dans le tordeur de la saga Lego. Et là, on commence à sentir le réchauffé pas mal. Oui, mais ça veut pas dire que c'est mauvais pour autant. J'ai quand même eu bien du fun. Mais oui, c'est le Hobbit maintenant parce que, bon, le Seigneur des Anneaux est déjà passé dans la machine Lego. Il y a pas si longtemps que ça, je pense. Deux ans et demi, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est le Hobbit, donc Bilbon Sacquet, qui passe dans le tordeur Lego. Et là, petite mise au point, il y en a qui doivent se dire « Ah, c'est le fun! » C'est basé sur la trilogie Le Hobbit de Peter Jackson. Donc, dans le fond, on va pouvoir jouer aux événements du troisième film avant sa parution en décembre prochain. Ben non! Fait que ça coupe sec en plein milieu d'une phrase, comme dans le film. Oui, absolument. Ça se termine vraiment comme dans le film. Là, j'ai pas vu le film, retenez-vous un peu. OK, je vais me retenir. Moi, je l'ai acheté puis je l'ai pas encore vu. Fait que je me suis un peu gâché le film en jouant à Lego de Hobbit. Mais le troisième film est pas dans le jeu. Et il y a des rumeurs comme quoi que, ce qui m'étonnerait pas d'ailleurs, que le développeur et Warner Bros. Vont l'offrir en tant qu'élément téléchargeable, donc en tant qu'extension téléchargeable, payante évidemment. Donc, mais ça demeure une rumeur. Moi, personnellement, je pense que ça pourrait être vrai. Là. En décembre, on va te faire payer quoi, un petit 20$, 15$ pour avoir droit aux événements du troisième film? Fait que, en tout cas, ça sera à voir. Mais au niveau de l'histoire en tant que telle, c'est vraiment basé sur les deux films, sur les deux premiers films. Ça se tient bien. Je veux dire, c'est assez fidèle à ce qu'on a vu dans les films. Donc, on commence vraiment dans la cité d'Erebor, qui est la cité des nains. Donc, on voit les nains dans toute leur magnificence, dans leur... T'es au rebord des nains. Oui, absolument. C'est toi, hein, JB, qui avait dit que Luc avait un humour douteux au début. Ah, c'est souvent le cas, ouais. Ah, c'est ça. c'est ma marque de commerce. Oui. L'homme à l'humour douteux. Il m'a changé ma signature Twitter. L'homme à l'humour douteux. Peux-tu arrêter de faire de la business, hein? C'est ça ta marque de commerce. Arrête tout de suite. C'est ça. Là, tu commences dans la cité des nains, donc dont je ne redirai pas le nom pour le bien éviter que je répète la joke plate. Ouais, non, c'est ça. Je tiens à mes oreilles quand même. Dans le fond, tu commences dans la cité des nains, tu vois ça et bon, là, les orques finissent par attaquer et tu te transportes. Au début des aventures de Bilbon avec la compagnie des nains. Et pour votre information, oui, la scène de la vaisselle avec les nains est dans le jeu. Avec la chanson, pis tout, pis ça dure quoi, 45 minutes? Non, ça dure pas très longtemps. En fait, c'est un mini-jeu où tu dois appuyer sur certains boutons à des moments précis. J'allais te demander, faut-tu faire la toune en genre Guitar Hero ou avec des Quick Time Events avec ses pitons? Ça a l'air que c'est ça. Ouais, pis avec leur barbe pis tout, ça aurait pu être métal un peu, tu sais, mais non. ZZ Top Hero. ZZ Top Lego. Ouais. Fait que non, dans le fond, c'est ça. On suit vraiment les événements des deux films. comme Luc, si vous n'avez pas vu le deuxième film, ben comme moi aussi d'ailleurs, mais je ne vous gâcherai pas les punchs, ces punchs il y a, parce que le, c'est très englobé dans l'humour Lego, hein, donc il y a des scènes un peu niaiseuses, là, où les personnages, ben, ils chutent, ou ben, ils font des niaiseries, puis c'est fait vraiment pour faire rire les enfants. Mais Lego The Hobbit a un peu le même problème que Lego Lord of the Rings, c'est-à-dire qu'il y a un certain problème d'identité. Autant on a voulu mettre de l'avant l'humour Lego, autant ça, je sais pas, ça colle pas très bien avec l'univers du Seigneur des Anneaux. Et ça, vous allez particulièrement vous en rendre compte quand vous allez entendre des répliques des films. On a comme forcé la donne en incluant, t'sais, de façon pas nécessairement très fluide, des répliques du film. Et ce que ça fait en sorte, puis là, il y a pas de spoiler ici, à un moment donné, Bilbon doit faire face au dragon Smaug, et là, on le voit un peu en train de parcourir les espèces de piles de trésors des nains pour échapper à Smaug. Et là, t'entends Bilbon dire des répliques du film, mais ça colle pas en tout là avec ce qui se passe dans le jeu. Fait que ça crée une espèce de distance entre le scénario puis l'action qui se déroule à l'écran. Puis ça revient à certains moments dans l'histoire. Il y a un certain problème d'identité. Autant on a voulu mettre l'emphase sur l'humour de la série, autant le fait que le Hobbit puis le Seigneur des Anneaux sont des histoires un petit peu plus sérieuses, ça crée un drôle de combinaison. J'avais pas accroché dans Lego Lord of the Rings, puis j'ai pas encore nécessairement accroché dans Bilbo le Hobbit. Ça respecte les films, mais le mélange entre l'humour et le sérieux est un peu bizarre. Ouais, j'avais trouvé ça aussi dans Lego Seigneur des Anneaux, parce que c'est hyper sombre. Là, ouais. tu pognes des scènes avec des trolls ou tu sais qui sont en train de s'entretuer de faire la même, puis c'est comme on met des jokes à travers ça, c'est comme ben c'est ça, ça clash un peu, tu sais. Non c'est ça, puis tu sais le Hobbit en tant que tel est plus humoristique que le Seigneur des Anneaux, mais encore là ça demeure, il y a quand même des thèmes assez sombres, tu sais, c'est pas un film très très joyeux, puis c'est, moi je considère pas non plus que c'est un film pour enfants. Non, pas en tout cas, je sais pas, c'est comme un drôle de clash là, entre l'humour et le sérieux. On a comme pas réussi à faire un bon mélange de ces deux éléments là pour créer un scénario vraiment intéressant, ou en tout cas qui colle bien tout au long de l'histoire. Au niveau du style de jeu, je vous surprendrai pas, c'est exactement la même chose que les autres jeux Lego. Donc ce que c'est, en fait, plus spécifiquement, c'est la même chose que Lego Lord of the Rings. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous avez vos missions principales, et entre les missions, vous allez pouvoir être dans la Terre du Milieu et explorer la Terre du Milieu comme bon vous semble. Ce que je ne vous recommande pas dans un premier temps. Moi, ce que je vous suggère, comme tous les jeux Lego, faites les missions, une après l'autre, puis après ça, revenez dans la Terre du Milieu, puis ouais, explorez librement. C'est parce que, en fait, si vous le faites, vous allez souvent être confronté à des obstacles que vous n'allez pas pouvoir surmonter, parce que vous n'aurez pas le bon personnage avec la bonne habileté. Donc, c'est le problème qui va arriver. Et ça, c'est de même dans tous les jeux Lego. Donc, si vous avez déjà joué à un jeu Lego, vous le savez. Ben, ouais, au moins, vous allez taper la même affaire deux fois. Ouais, non, c'est ça. L'avantage qu'il y avait dans Lego Marvel, parce que moi, c'est le seul exemple, c'est le seul vrai jeu de Lego que j'ai traversé, c'est que la ville est tellement vaste que tu as plein d'affaires à faire, même si tu n'as pas nécessairement tous les pouvoirs, ben, tu es capable quand même de passer beaucoup de temps dans la ville sans être coincé nulle part. C'est vrai aussi avec Lego The Hobbit, le problème, et ça c'est pas nécessairement juste un problème entre les missions, c'est aussi un problème après, quand tu viens pour explorer la Terre du Milieu, c'est qu'il y a tellement de choses, c'est un jeu qui est très fourni, c'est un jeu là, écoutez, il y a du stock là, il y a vraiment beaucoup de stock à faire, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de casse-têtes à résoudre, casse-têtes qui sont pas nécessairement compliqués, mais il y en a quand même une bonne quantité. Et le problème, c'est que tu sais plus où donner de la tête. Et même si tu choisis un objectif ou un objet que tu vas voir sur la carte où aller, puis que tu vas vouloir aller le récupérer, bien souvent, tu vas te buter au fait que tu n'as pas le bon personnage. Donc, ça fait en sorte que tu peux faire beaucoup de recherches inutiles si tu n'as pas une sélection de personnages assez vaste pour finalement aller pogner n'importe quoi. Donc, moi, ce que je vous suggère fortement, c'est de terminer l'émission principale, de débloquer un nombre suffisant de personnages qui vont vous permettre d'accéder à pas mal tout dans le jeu pour éviter une exploration inutile puis une certaine frustration. Mais le problème, et ça, ça a été ma grande, grande frustration dans Lego de Hobbit, et c'est ce qui a fait en sorte un peu que mon plaisir en a été affecté, c'est qu'à un moment, quand tu finis toutes les missions, puis là, t'as la terre du milieu, tu peux recommencer tes missions et tout, avec les personnages que tu veux, c'est que tu sais pas où aller. Il y a tellement de choses que là, tu sais pas, OK, par où je commence, par quel chemin j'y vais, puis j'ai-tu le bon personnage pour y aller. Honnêtement, là, tu le sais pas. Tu le sais juste pas. Fait que le jeu manque de repères au niveau de son monde ouvert. Et ce que ça fait, c'est que, à un moment donné, tu te décourages parce qu'il y a plein de stocks, à voir. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis, tu sais juste plus où aller. Fait que, moi, je pense entre autres aux plus jeunes, là, oubliez ça, ils vont se décourager. Puis les plus vieux, je vous dirais, écoutez, la durée de vie, là, pour tout faire, ça se calcule en dizaines d'heures. Vraiment en dizaines d'heures facilement. Et à un moment donné, c'est parce que il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de trucs qui se répètent que tu finis par perdre ta motivation parce que finalement, il y en a trop. On vise vraiment les amoureux de la franchise d'Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Sinon, vous risquez de perdre l'objectif ultime de vue puis vous tannez. Ouais, mais je pense qu'on vise aussi beaucoup les fans de Lego. Ceux qui sont pas tannés, tu sais, ceux qui ont joué à tous les jeux Lego puis qui se tannent pas, là. Tu sais, c'est ça le gros problème, c'est qu'on vise vraiment ces fans-là, mais il y a trop de stock, fait qu'à un moment donné, tu finis juste par perdre le fil. Moi, honnêtement, je suis rendu à environ 50% de complété du jeu complet et je me décourage. Okay. Vraiment. Il y avait un problème entre l'industrie du cinéma et du jeu vidéo. Longtemps, on avait des jeux de boîte quand c'était tiré d'un film. Et là, Lego est arrivé avec sa façon de faire et ça a complètement changé la perspective. À partir de ce moment-là, on était capable d'avoir des jeux vidéo qui cadraient bien avec les films. Mais on n'a jamais vraiment renouvelé le type de jeu qu'on offrait au public. Et là, on commence à avoir le poids des années qui se fait sentir. Ouais, la formule est toujours la même. On commence à avoir le poids de la formule Lego qui revient sans cesse. Et que c'est toujours un peu la même chose. Donc, on a un peu ce poids-là. Ceci étant dit, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Puis ça veut pas dire qu'il n'est pas le fun. Vraiment pas. J'ai eu du fun. J'espère un jour le compléter à 100%. C'est juste qu'à un moment donné, j'étais juste sur ce jeu-là et je commençais à plus avoir de plaisir. Je commençais plus à, un peu comme on le disait au début, est-ce que je jouais vraiment par plaisir ou je jouais plus par obligation, tu sais? Est-ce que c'était plus pour avoir tous mes succès ou c'était vraiment parce que j'avais du fun à le faire? Je suis pas sûr. Ouais. C'est-à-dire, je veux quand même vous parler de deux choses. Le système d'assemblage de structure de Lego Movie Video Game est de retour, ce qui est une bonne chose parce que, comme je l'avais dit dans un show précédent, j'espérais le retour de ce système-là dans les futurs jeux Lego et ça a été le cas avec Lego The Hobbit. C'est un système que je trouve très fonctionnel puis qui donne un peu l'impression d'avoir droit au même feeling que quand t'assembles toi-même tes structures Lego avec les blocs, là. Donc, ça, bon coup de TT Games. Et il y a un nouveau système qui a été inclus. Tu sais, messieurs, vous avez déjà joué à des jeux Lego. Jean-Benoît, toi, t'as juste un exemple, mais c'est pas grave. Luc peut plus jaser que toi, oui, là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu détruis des structures, généralement, tu fais juste collecter des petites pièces Lego, des studs, ce qu'on appelle. Puis c'est pas mal ça que tu récoltes tout le temps, tu sais. Ouais. Fait que à un moment donné, ça devient un peu banal, tu sais, surtout quand tu joues à plusieurs jeux Lego, de simplement tout détruire pour récolter des studs. Là, ce que TT Games a fait, c'est qu'ils ont aussi inclus des matériaux à collectionner. Donc quand tu vas détruire des structures, quand tu vas aussi éliminer des ennemis, tu vas pouvoir acquérir des matériaux. Et ces matériaux-là vont te permettre de compléter différentes choses. Par exemple, ça va pouvoir te servir à compléter des missions secondaires, à bâtir aussi des structures Lego. Donc, tu sais, il y a un intérêt à vouloir tout détruire parce que, dans le fond, toi, tu as envie d'un peu garnir ton inventaire de matériaux pour pouvoir tout bâtir. C'est sûr que c'est un peu frustrant quand tu arrives pour bâtir une structure ou aider un personnage, puis t'as pas assez de matériaux. Par exemple, tu vas pouvoir récolter du pain. Et d'ailleurs, je vous invite à récolter pas mal de pain parce qu'il y a un personnage qui en demande quand même une quantité assez impressionnante. Mais, tu sais, ça peut être un peu frustrant, mais je trouve que c'est une bonne idée d'avoir inclus les matériaux. C'est pas une idée qui est nécessairement innovatrice. Tu sais, on a vu ça dans d'autres jeux, mais je trouve que c'est un bel ajout à la franchise Lego qui se mélange bien avec le style. Moi, ça m'a donné vraiment un incitatif pour détruire le plus de choses possible. Puis les nains, on le sait, ont une tendance à vouloir creuser la terre et miner des ressources. Donc, dans le fond, il y a aussi certains nains qui vont avoir l'habileté de miner des structures. Donc, par exemple, ils vont pouvoir miner des pierres précieuses, ils vont pouvoir miner aussi des métaux précieux. Donc, ça, c'est intéressant parce que, bon, c'est pas quelque chose, encore une fois, de très innovateur, mais ça donne un incitatif pour, finalement, briser tout ce que tu vois. Donc, Ça, vraiment, bonne idée de TD Games. J'ai bien apprécié cet ajout-là. Puis j'espère, un peu comme le système d'édification de structure, que ça va être encore présent dans d'autres jeux Lego. C'est vraiment un complément intéressant qui donne une plus grosse envie de tout détruire autour de soi. Fait que voilà. Si tu y allais avec une note pour compléter... Ça va peut-être vous surprendre un peu. Autant c'est un jeu qui est assez classique dans son ensemble, autant ça donne quand même une bonne dose de plaisir. Moi, je vais y mettre un 7.5 sur 10. C'est pas un mauvais jeu. C'est sûr que si vous venez, exemple, de terminer Lego Movie Video Game ou encore Lego Marvel Super Heroes qui a récemment baissé de prix assez drastiquement sur Steam. Oui, vraiment. Il y avait tous les jeux Lego à genre 4,50 pendant presque une semaine. Je connais une couple de personnes qui ont dû se garrocher. Ouais, il y a plusieurs de mes suiveurs sur Twitter qui sont garrochés, dont toi. Fait que dans le fond, c'est sûr que si vous venez déjà de compléter un jeu Lego, probablement que vous allez trouver la tâche assez fastidieuse de devoir tout recommencer dans un univers qui est assez massif, puis où il y a beaucoup de choses à compléter, puis dans le fond, où que vous ne saurez pas par où commencer. Mais je pense que globalement, c'est un produit intéressant. Je pense que c'est un produit qui est fini aussi. Je pense pas qu'on s'est garroché pour le lancer en même temps que le Blu-ray du dernier Hobbit. Mais comme je dis, il y a certaines lacunes quand même. Moi, je dirais, tu sais, quand il va être 30-40$, là, ça va être une bonne occasion là, pour se le procurer. Penses-tu que ce serait le temps pour Lego de donner la franchise à un autre studio pour développer? T'sais, dans le sens de peut-être faire un brassage d'idées puis de se renouveler? Ça ferait pas de tort. Ça, c'est sûr. Ouais, hein? Ça ferait pas de tort. Mais c'est parce que à un moment donné, tu sais, on en a. Depuis quelques années, on a droit à combien de jeux Lego par année? Tu sais, si vous faites Ça roule autour de 3-4 peut-être par année. C'est assez énorme, là. C'est ça, tu sais. C'est beaucoup. Puis moi, j'ai l'impression que parce qu'on en sort beaucoup comme ça, on n'a pas le temps de se renouveler. On n'a pas le temps de dire aux développeurs, OK, là, on a la base, elle est fonctionnelle, comment qu'on peut faire pour l'amener à un autre niveau? Ben, on a le même problème que, tu sais, les franchises de sport. C'est toujours ça, l'évolution d'un titre à l'autre est tellement minime que tu te dis, ben, tu sais, ils n'ont pas le temps de travailler dessus, là, ils ont juste, tu sais, mis ça, tu sais, ils ont gravé ça sur le CD, puis merci, bonsoir, là, c'est parti, là, ça va tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de faire de grosses améliorations, puis c'est au fil des années que tu fais comme, ah, OK, on a parcouru un certain chemin, mais encore là, tu sais. Ben c'est ça, tu sais, et puis je pense que Luc puis moi, on en a pas mal jasé dans des shows précédents quand on parlait de jeux Lego. C'est qu'à un moment donné, tu finis par perdre l'intérêt envers les jeux parce que ça revient toujours au même. Tu sais, c'est tout le temps la même base qui est présente, auquel on ajoute des fois des petites choses. Là, dans les deux derniers jeux, j'ai quand même aimé les nouveaux systèmes qui ont été inclus, mais ça demeure tout le temps la même chose. Puis tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, t'arrives pour jouer à un jeu Lego, puis tu dis, oh, dans le fond, je vais-tu vraiment le prendre pour commencer des choses que j'ai déjà faites dans un autre jeu avant, tu sais. Fait que ça tue un peu l'intérêt. Ça n'a pas l'air à tuer la franchise parce que les jeux Lego demeurent très, très populaires. Mais à un moment donné, ça va finir par sentir un peu trop le réchauffé au point de peut-être être brûlé. Ouais. Ça, c'est bon. À suivre. On va revenir qu'est-ce que Lego va nous offrir éventuellement. Je pense pas que c'est le dernier jeu. Hein. Dans Lego réalité augmentée. Ah, un jour. Il y a juste trois personnages. C'est que... Un jeu rempli de n'importe quoi. Pas mal, oui. On va compléter cette émission-là avec ma chronique sur le film Divergence, un film qui est tiré de livres, de bouquins, un peu à la manière de Hunger Games. Si vous faites le comparable, c'est vrai, il y a beaucoup de ressemblances. C'est le même public cible, pas mal. C'est le même type d'univers où est-ce que... Écoute, la société fonctionnait mal, on remet les bases à terre, puis on décolle avec une nouvelle façon de procéder. Une société utopique où les gens sont séparés par, dans Hunger Games, c'était par quartier, là c'est par type de personnalité. Dans Divergence, c'est une guerre qui a eu lieu, une guerre extrêmement violente qui a presque tout détruit. Et on se retrouve dans la ville de Chicago qui a été fortifiée avec des clôtures qui limitent le périmètre de la ville. À l'extérieur, il y a à peu près juste la faction des fermiers qui vont là pour aller cultiver les terres. Pour le reste, tout se passe à l'intérieur des terres. On a cinq factions. On a la faction des intelligents, les cerveaux de la gang. On a ceux qui sont les altruistes qui vont penser seulement aux autres. On a les fermiers, comme je disais. On a aussi ceux qui sont... il y en a cinq, écoute, j'essaie de me souvenir, ça, j'ai pas lu les livres, hein. Donc les cinq factions, ça va très très vite. Les sincères, ceux qui ne mentent jamais, et les audacieux, ceux qui vont s'occuper là, de la sécurité dans la ville. Et on a aussi les sans factions, qui sont des genres de mendiants, qui ça n'a pas cadré avec leurs factions respectives, et là, se doivent de quitter leur faction, parce que dans cet univers-là, c'est la faction avant les liens du sang. À l'âge de 16 ans, tu te dois de choisir ta faction. Tu passes un test qui va déterminer selon ta personnalité avec qui tu devrais aller, mais tu peux choisir avec qui tu t'en vas. On dit là, 9 fois sur 10, l'enfant va rester dans la même faction qu'il est né. Veux pas, il est éduqué de cette façon-là, donc c'est juste statistiquement très très logique que ce soit le cas. Et on se retrouve à suivre les aventures de Béatrice qui, à l'âge de 16 ans, passe le test. Et elle, le test n'est pas concluant. Ça fuck la patente. Elle rentre pas dans les codes. Et ça, dans cette société-là, avec ses cinq factions qui roulent de belle façon depuis des centaines d'années, ça roule rondement. Là. Tout le monde est à sa place, tout le monde met la main à la roue et la société fonctionne. Les gens, les divergents, comme on les appelle, ceux qui ne rentrent pas dans aucune classification, sont mal vus parce qu'eux, ils menacent le système qui est mis en place et qui fonctionne pour la société en général. Alors, cette fille-là va devoir cacher sa personnalité, qui elle est réellement, à ses parents, à sa famille, et devra effectuer son choix sans savoir vers qui elle doit se diriger, vers quelle famille, parce qu'elle ne cadre pas avec aucun, et va choisir d'aller avec les audacieux. Eux, ce sont là, ils font un peu de parcours, ils sautent de toit en toit, ils ont peur de rien, ils s'occupent de la sécurité, donc doivent apprendre à se battre. On va suivre toutes ces péripéties dans ce qu'on pourrait appeler pratiquement un camp d'entraînement, où elle va apprendre à devenir une vraie audacieuse. Et elle doit passer des tests, des différentes étapes. Il y a la version combat, donc physique, où elle est vraiment mauvaise. Elle passe de justesse les tests. Et la version mentale, où est-ce que là, elle est comme over the top, est une divergente. Donc, les tests qu'on lui fait passer côté mental, elle est vraiment trop, trop forte. Et ça, ben, ça menace de dévoiler qui elle est vraiment à la face du monde. Et elle doit combattre ça grâce à son ami qu'elle va se faire là, chez les Audacieux, qui va la prendre sous son aile. C'est une histoire, c'est un suspense de science-fiction. C'est le réalisateur Neil Burger qui fait ça. Je ne sais pas si vous le connaissez, peut-être pas de nom, mais vous avez déjà vu son travail au cinéma. Entre autres, c'est lui qui a travaillé sur le film L'Illusionniste avec Edward Norton et le film Sans Limite avec Bradley Cooper et Robert De Niro. Ça, c'est un des films que j'avais énormément apprécié. Une pilule qui rend intelligent tout d'un coup pendant une certaine période de temps, mais qui, après coup, ben tu veux toujours en avoir plus. Hein? Tu veux toujours... avoir plus d'intelligence et finalement, ben, les mafiosos embarquent là-dedans. Super bon film. Si vous n'avez pas vu Sans Limite, c'est à voir. Et ces deux films-là, à sa fiche de Neil Burger, ont cette façon d'être filmé assez particulière. On met beaucoup d'emphase sur le jeu de caméra, sur la façon de filmer, l'esthétisme des scènes, et c'est vraiment représenté à nouveau dans Divergence. Tout est très, très épuré. La ville est magnifiquement mise en image. C'est très, très joli. On est dans une société utopique, hein, avec les cinq factions. Donc, on essaie de représenter la perfection. Chaque faction a sa couleur. Un tel est bleu, l'autre est plus orange. Il y a les audacieux sont en noir. Donc, on joue beaucoup sur l'esthétisme et ça fonctionne très, très bien. Neil Burger, le réalisateur, qui a fait vraiment un job incroyable là-dessus. Ensuite, ce que je pourrais dire sur le livre, c'est un film qui vise l'adolescente. Celle qui a aimé Hunger Games va apprécier ce film-là. Il y a une histoire d'amour qui est là, qui prend beaucoup de place. Il y a une conspiration. Oui, c'est de la science-fiction, mais c'est très, très de base comme science-fiction. Là, il n'y a pas personne qui flotte dans les airs ou qui lance du laser. Là, c'est assez de base comme science-fiction. C'est un film qui est très, très, quand même très long. Ça dure 2h20 et c'est pas parce qu'il se passe rien. Souvent, on a tendance, quand on transpose un livre en film, à escamoter certains passages de l'histoire. Là, moi, ma blonde a lu le livre et on saute pas debout. Vraiment, on est quand même assez proche de ce qu'on dit dans le livre, dans le premier volet, parce que ce sera vraisemblablement une trilogie. On est très, très proche de la façon que l'histoire est racontée dans le livre. Sauf qu'il y a quand même des scènes que moi j'aurais coupées au cinéma qui rajoutent de la longueur. On s'étend beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais somme toute, ça passe quand même relativement vite. Le 2h20 va pas vous sembler pénible pour autant. Et c'est un univers qui fait quand même rêver. On le présente de façon très intéressante, très léchée. C'est très introspectif comme façon de présenter cet univers-là. Fait que dans les points positifs, c'est pas mal ça. Ça fait le tour assez vite. C'est-tu aussi violent et difficile à regarder par bout que Hunger Games? C'est parce que Hunger Games, c'est des adolescents qui s'entretuent. Non, c'est comme si t'avais tout l'univers de Hunger Games, sauf la partie combat. OK. C'est une... pas grand-chose. En fait, l'univers alentour de la game qui est Hunger Games va prendre pas mal plus de place. On va explorer comment est-ce que la société fonctionne, les factions interagissent entre elles, pourquoi que c'est comme ça. On met vraiment en place cet univers-là dans le premier volet. Quand je vous dis que ça s'enligne vers une trilogie, c'est pas pour rien. On sent qu'il y a bien, bien de la matière à explorer pour la suite des choses. Mais dans le premier volet, on se concentre vraiment sur l'initiation de la jeune fille, Triss, Béatrice, qui change son nom pour Triss quand elle change de faction. Elle qui cadre pas vraiment dans cet univers-là, mais qui se doit de se faire sa place sans se faire remarquer. Elle doit apprendre à se battre, elle mange des raclées à l'entraînement parce qu'elle est pas bonne là-dedans. Elle réussit grâce à de la stratégie à s'en sortir, grâce à l'aide de ses amis aussi. c'est vraiment le côté mental où est-ce que là, les audacieux, ils ont une genre de machine qui permet de faire visualiser, dans le cas d'une hallucination, faire halluciner les plus grandes peurs de la personne, et la personne doit les combattre. Et on time ça, chronomètre, je sais pas trop comment est-ce qu'il fonctionne, on chronomètre ça, et les personnes qui réussissent le mieux passent le test. Et elle, ben, comme elle est divergente, elle fera pas ça de la façon normale que les gens combattraient leurs peurs. Elle va se rendre compte, elle, que ben, c'est pas vrai, tu sais. Fait que elle sort de là, puis merci, bonsoir. Elle fait des affaires qui se peuvent pas, tu sais, pour le commun des mortels. Et c'est ça qu'elle va devoir apprendre à gérer pour pas se faire pogner. Donc, c'est beaucoup, l'emphase est beaucoup mise là-dessus. C'est on prend le personnage de la petite fille qui est dans son cocon. On l'appelle, on la surnomme d'ailleurs la coincée tout au long du film, qui est dans son petit cocon, qui est toute menue, qui est toute fragile. Et on va voir le personnage prendre de l'expansion jusqu'à devenir une femme qui est plus assumée, qui est plus apte de à utiliser ses capacités, qui utilise sa divergence comme un avantage par rapport à la société. Mais ça sera plus poussé certainement dans les prochains volets. Dans les trucs plus négatifs, là, moi, je me base sur l'opinion de ma blonde sur cette première donnée-là. Parce que t'as pas d'opinion toi-même, t'empruntes celle des autres. J'emprunte celle des autres pour ce fouet-là. J'ai pas lu le livre, donc je peux pas faire le comparable entre le livre et le film. Et ce que ma conjointe me rapportait, c'est que oui, on a pas mal tout fait ce qu'il y avait dans le livre. Le problème, c'est qu'on n'a pas tout mis dans le bon ordre. Fait que ma blonde a dit, moi j'ai pas aimé le film, je passais mon temps, parce qu'elle venait de le filer, elle finit le livre genre à 13h dans l'après-midi, puis à 15h on allait voir le film là. Fait qu'elle avait pas, tu sais, elle s'est pas distancée du roman avant de voir le film, et elle dit, tu sais, telle scène, c'était censé être avant ça, puis là tu fais comme, ouais, mais tu sais, pour que ça roule bien, tu sais, au cinéma, t'as pas l'introspection, t'as pas les pensées des personnages, t'as pas le choix de raconter parfois des affaires d'une certaine façon pour qu'on puisse comprendre l'évolution, tandis que dans le livre, t'es pas obligé, là, tu sais, c'est une façon de raconter une histoire qui est différente. Elle, ça l'a beaucoup achalé. Fait qu'avis aux gens qui ont lu le livre, donnez-vous le temps avant d'aller voir le film au cinéma. Vous allez le trouver bon. Vous allez l'apprécier. C'est assez bien représenté. Mais c'est pas nécessairement dans le même ordre que les actions se passent. À certains moments, comme je disais, il y a des scènes que j'aurais coupées. Il y a de l'entraînement. On en présente beaucoup, beaucoup. C'est quand même 2h20. Là. On s'entend qu'il y a pas nécessairement des longueurs, mais il y a des trucs qui ne servent pas le propos général qui aurait pu être enlevé. Et j'ai trouvé, surtout dans la fin de l'histoire et tout au long de l'entraînement, que Trish, elle a beaucoup besoin d'aide des autres. C'est censé être une divergente, elle est censée être plus forte que la moyenne des ours, plus forte mentalement. Oui, elle a une capacité particulière, mais dans le monde réel, quand c'est pas des hallucinations, ça ne sert pas à grand-chose et elle a besoin de beaucoup d'aide. Elle est très très en mode j'observe ou je reste figé à cause du stress quand l'action se passe, et c'est comme les autres qui interviennent alentour d'elle pour l'amener à avancer. Ça, Mané, ça m'a gossé parce que tout le monde est un héros sauf elle, mais le héros c'est censé être elle. Ouais, mais c'est un peu comme dans certains films d'Harry Potter où ce qui fait c'est pas grand chose, puis c'est le monde alentour de lui qui sont comme plus forts. Ah ouais, puis il est censé être tellement génial, puis c'est lui comme l'élu. Mais il fait pas grand chose, tu sais. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup ça là-dedans. C'est parce qu'à un moment donné, pas que t'as de l'air d'une potiche, mais tu sais, tasse-toi, t'es dans les pattes. C'est hey, quasiment ça. Le héros, tasse-toi, t'es dans les pattes. Parce que, tu sais, il y a une couple de scènes, tu te dis, ouais, ok, ça avait pas été là, ça aurait peut-être été mieux, tu sais. Ça, dans ce temps-là, puis je sais pas si c'est la faute du film ou du livre, mais tu sais, je trouve ça un peu particulier, tu sais. À un moment donné, oui, c'est bien beau être la princesse dans le château pendant que Bowser te kidnappe, mais ça serait le fun que tu t'aides un peu. À la grande! Petit message. Tu sais, une femme forte, d'une fois de temps en temps, ça pourrait être le fun, tu sais. Elle l'est à certains moments, mais on dirait qu'elle est toujours en réaction au lieu d'être de l'avant, d'être celle qui lead la patente, tu sais, qui est la meneuse dans tout ça. Elle est comme à la merci des événements, puis ça, à un moment donné, ça m'a comme un peu achalé. Donc voilà, c'est pas mal ça pour le film Divergence. C'est correct, c'est un bon divertissement, c'est honnête. Si vous avez l'occasion de le voir pas en 3D, faites ça, ça vaut pas la peine en 3D. Souvent la 3D a même tendance à obscurcir un peu l'image. Là, c'est pas nécessairement très éclairé, mais il y a des très très belles scènes visuellement qui sont amenées, donc de voir le 3D, pour moi c'est pas pratique, il n'y a pas rien qui vaut la peine dans ce film-là pour investir les quelques dollars supplémentaires qu'on va vous demander à l'entrée. Allez voir ça en 2D, ça va être bien en masse, bien correct. Vous allez avoir, d'après moi, une meilleure expérience de cette façon-là. Et j'irai avec une note de 7 sur 10. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas un mauvais film. Et c'est surtout un film qui est assez long. Fait que faut savoir dans quoi on s'embarque. Bon, au moins, c'est un bon investissement. Si t'en as pour 2h20, puis tu payes un certain montant, au moins, t'es là un bout de temps, tu sais. Oui, comparé à un film de 90 minutes, oui, ça peut valoir la peine un peu plus côté timing. C'est ça. Mais tu vois, je parlais avec du monde qui avait lu le livre un peu comme ta femme, et il était tout déçu de la transposition cinématographique. Il était vraiment pas convaincu de la job qui a été faite. Ma blonde me disait, tu sais, c'est pas qu'ils ont pas mis les éléments, c'est pas qu'ils ont pas été assez proches du livre, c'est qu'ils ont pas mis dans le bon ordre. Fait que ça, quand t'as lu le livre, t'es tout le temps en train de te dire, ouais, mais c'est pas supposé d'être là. Fait que t'accroches là-dessus, tu sais, c'est comme si tout le temps on essaie de ça te sortait du film. Fait que je peux comprendre que l'expérience dans ce temps-là, pour la personne qui a lu le livre, est moins le fun que pour une personne qui ne l'a pas lu. Ouais, absolument. Donc, 7 sur 10 pour Divergence. Je pense qu'on on lance tout le concours avec Mercenary Kings. Mais bien sûr, pourquoi on fait pas. Ça? Parce qu'on va éventuellement faire une émission spéciale. On a eu Yannick Belzile pour nous en parler lors du dernier épisode. Et il a eu la gentillesse de nous offrir des clés pour le jeu. On en a 4 à vous faire tirer. Vous avez jamais joué à ça? Un run and gun 2D, 8 bits, excellent, très très drôle. C'est vraiment le fun. On va se faire un show spécial où est-ce qu'on va faire la critique à la gang du jeu. Et au moment de cette émission spéciale-là, on fera le tirage. D'ici là, on vous invite à devenir finaliste via notre adresse de courriel podcastrealitéaugmentée@gmail.com. Pas de point, pas d'accent, pas d'espace, pas de tiré nulle part, dans un seul pain. Vous nous dites « Hey, j'aimerais gagner, merci Réalité Augmentée » et voilà, ce sera pas plus compliqué que ça. On a 4 clés à faire gagner et je dis pas quand est-ce que le concours se termine. Je vais laisser le temps aux boys de jouer un peu plus à Mercenary Kings. Disons minimum, pas le prochain show ni l'autre d'après. On va vous donner au moins 2 semaines pour pouvoir participer et on vous redira là, lors du prochain élément là, quand est-ce qu'on... conclure ça, ce concours-là. D'ici là, ben podcastrealitéaugmentée@gmail.com pour pouvoir courir la chance de gagner une clé. C'est une clé pour la version PC, soit dit en passant. C'est via Steam que vous pourrez jouer à ce jeu-là grâce à la réalité augmentée. Il est aussi disponible sur PS4 si vous n'avez pas de PC qui roule des jeux. Donc, c'est là-dessus que va se terminer la réalité augmentée. Avant de se quitter, je veux savoir, les garnements, comment on vous rejoint? Daniel? Deux façons. D'ailleurs, je n'irai pas en disant des niaiseries comme d'habitude. Tu vas nous épargner ce bout-là. Ah, je vais vous épargner cette semaine. Je vais épargner votre santé mentale et vos pauvres oreilles. Donc, deux façons. La façon la plus rapide et la plus facile... Sur Twitter, à DracoADG. Sinon, sur affairesdegars.com, je publie assez régulièrement des articles, dont mon dernier que j'ai parlé un petit peu plus tôt dans le show sur les 25 ans de la Game Boy. Écoutez, vous pouvez toujours aller dans la section croissance personnelle de votre librairie préférée et, je sais pas moi, prendre un des livres sur Dieu ou un quelconque prophète qui a changé le monde. Ah, t'es tellement tata. OK. Luc, à ton tour. Moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à Scalazormo. Sinon, vous pouvez me lire à chaque semaine sur le blog de Kijiji. J'écris sur le monde, le merveilleux monde, pas de Walt Disney, mais de l'automobile. C'est fr.kijijiblog.com. La semaine passée, j'ai mis un article sur les 50 ans de la Mustang. Ça vous tente d'aller lire ça. Ça a l'air que c'était pas pire. Il y a bien du monde qui ont apprécié j'imagine. J'ai eu de bons commentaires, donc ça vous tente d'aller. J'espère que les gens t'ont pas écrit pour aller te mentir, tu sais. Non, ben, c'est, tu sais, jamais, des fois, tu sais. Mais ça, ça donne rien de me mentir et me dire que je suis bon, j'ai rien à donner. Donc, vous pouvez dire les vraies choses. Mais non, ça a l'air d'avoir été apprécié. Donc, c'est ça. Si vous voulez aller lire ça, c'est disponible en ligne. Puis, il y a un article à tous les jeudis qui apparaît, donc, magiquement, là-dessus. Puis toi, JB, comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre? Ben, j'ai toujours mon compte personnel sur Twitter, @gangj_b. Je gère celui de la réalité augmentée, @realitéhug. On a une adresse courriel, podcastrealitéaugmentée@gmail.com, sur lequel vous pouvez participer à notre concours de Mercenary Kings. 4 éclairs gagnés, je vous le rappelle, pour Steam, gratuitement, grâce à nous autres, c'est sous notre bras. Aussi, on a notre site Internet à nous, personnel, notre petit bébé, qui est pas bien ben habillé, mais ça, c'est une histoire. Donc, il est assez tout nu, ouais. RealitéHug.com. Sinon, bon, on est sur plein de sites, entre autres Podium Radio, Podcast France, AffairesDeGars.com, sur la zone technoculturelle, qui d'ailleurs célébrait cette semaine son premier anniversaire. On les salue. Oui, bonne fête à votre projet. Bonne fête. Yes, on est bien content d'être parmi l'équipe dans cette belle grande famille. Et on est sur... bien d'autres sites aussi. Cherchez-nous sur les réseaux sociaux. On est là aussi sur Facebook, Twitter et dans Google. Réalité augmentée. Ça, on va sortir un moment donné. On est partout. On conquiert le monde petit à petit. Voilà, c'est ce qui fait le tour pour cette semaine. Merci, chers auditeurs. Merci, les garnements. Et on se dit à une prochaine fois. Bye. Merci à toi, Jean-Benoît. Bye. Bye. Bye.